scénariste, Ndiko Manyanga. Alphonse Koguimana sur la mise en onde, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce jeudi 2 septembre 2021. Donc voici d'abord les principales articulations. Le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions annonce que bientôt les constructions dites anarchiques au bord du lac Tanganyika et au bord des rivières traversant les chefs-lieux des provinces seront démolies. Deogratias Nsangani Umwami l'a dit hier lors des questions orales à l'Assemblée nationale. La pénurie du carburant est observée à Bujumbura, la capitale économique, il y a une semaine. Ceux qui travaillent dans les stations-service disent être désœuvrés et demandent que ce problème de manque criant du carburant soit résolu. Et les personnes testées positives au Covid-19 ont passé de 20 à 80 cas positifs en une période d'un mois dans la province de Bururi. Le bureau provincial de la santé dans cette province et du sud du pays indique que cette propagation de cette pandémie est due au non-respect des mesures barrières. Bienvenue à cette édition. Désormais, les constructions anarchiques au bord du lac Tanganyika et au bord des rivières traversant les chefs-lieux des provinces seront à leur tour démolies. Propos du ministre ayant les infrastructures dans ses attributions lors des questions orales à l'Assemblée nationale ce mercredi, les détails avec Médard Niour. La démolition des constructions anarchiques près des routes principales est un projet du gouvernement dit à l'agrandissement de ces dernières. Après des décennies de guerre, les Burundais se sont accaparés de quelques mètres près de ces routes sans respect de la loi. Propos du ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions. Le projet de démolition des constructions anarchiques est un projet du gouvernement via le ministère de l'Intérieur. Vous le savez, la période qu'a traversée notre pays a causé l'endommagement des routes. Vu que le gouvernement burundais est en train de rétablir la population dans leurs droits, le gouvernement a droit d'être rétabli à son tour. Honorable député, le gouvernement a indemnisé la population qui ont construit près des routes principales. L'honorable Catherine Gwassa a demandé si la loi a été respectée en ce qui concerne les constructions autour du lac Tanganyika et près des rivières traversant les chefs-lieux des provinces. On observe des constructions autour des lacs et rivières. Est-ce que le code de l'eau a été respecté? À ces propos, le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions a signalé que la loi sera studieuse. Deogratias Nsangani Umwami a dit qu'il n'y a pas d'autre choix que de démolir toutes ces constructions. Ceux qui ont construit en dehors de la loi seront déplacés car la loi est claire. La loi stipule qu'il faut laisser au moins 150 mètres au bord du lac Tanganyika, 50 mètres près des lacs du Nord et 25 mètres sur les rivières Zéravin traversant les centres urbains. Mais malheureusement, les gens ont fait sourd oreille alors qu'il n'y a pas d'autre choix que de démolir toutes ces constructions anarchiques. La campagne de démolition des constructions anarchiques près des routes principales a pris fin avec le mois d'août. Merci à Médard Niounguru pour tous ces détails. Éducation à présent, les élèves des classes des 9e années de l'école fondamentale ont réussi au concours national à 90% dans la province de Cibitoke. C'est ce que déclare le directeur provincial de l'enseignement cette province qui annonce également que les préparatifs à la rentrée scolaire édition 2021-2022 vont bon train. Joseph Nyandgui indique que les inscriptions dans les classes des premières années primaires et dans d'autres classes sont déjà terminées. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jackson Bahati. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, de l'année scolaire 2021-2022. On a déjà terminé la formation des enseignants des deuxièmes années puisque le programme a changé de l'enseignement classique à l'enseignement fondamental. Et comme l'année passée, on avait déjà formé les anciens des premières années, on vient de terminer la formation pour les élèves, plutôt les anciens des deuxièmes années. Et on a aussi terminé la formation des membres du comité de CGE des différentes écoles de la DP Cibitoke. L'inscription des élèves en première année a déjà pris fin la semaine passée. Maintenant, on se prépare à la distribution du matériel, du programme Back to School, programme financé par l'UNICEF et la Banque mondiale. Et qui, c'est un programme qui va prendre, c'est une distribution qui va prendre effet d'ici deux jours. Et le dernier point, on est en train de voir si on va avoir des bancs pupitres suffisants pour pouvoir faire asseoir tous les élèves, parce que l'année passée, on a connu un petit problème dans certaines écoles où les élèves s'asseyaient à 4 ou à 5, ou certains même s'asseyaient à terre dans certaines lycées. Alors on est en train de voir comment chercher des bancs pupitres, ça et là, faire un cri d'alarme à certains bienfaiteurs qui pourraient venir en aide à nos écoles pour quand même les élèves puissent s'asseoir convenablement. Bon, après la proclamation du quota des élèves qui vont affronter l'enseignement post-fondamental, on a quand même vu que le taux de réussite a un peu augmenté. Dans la DCE, dans la direction communale d'enseignement de Ouganda, on a un taux de 96. Bukinanyana, 93,61. Dans Mabayi, 93,66. Dans Mugui, 91,2. Dans la DCE Lugombo, 90,7. La dernière commune, c'est la commune Mugina, qui arrive à un taux de 76,5. Si on essaie de faire un condensé, le taux de réussite au niveau de la province Cibitoke revient à 90,27 quelques. C'était le directeur provincial de l'enseignement en province Cibitoke. Restons dans cette province pour parler agriculture. Les cultivateurs de coton des communes Buganda et Lugombo en province Cibitoke crient au paiement de leur coton qu'ils ont vendu à la compagnie de gérance de coton il y a plus d'un mois. C'est au moment où cet argent pourrait les aider à acheter le matériel scolaire pour leurs enfants. Le président des cultivateurs de coton en cette province, là-bas en Sanzamahoro, demande l'intervention du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Le directeur général de la COGERCO, Gustave Majambere, quant à lui, tranquillise que cette question est en cours de traitement afin de régulariser cette population. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Bururi pour parler page santé. Le bureau provincial de la santé à Bururi demande à la population de cette province d'observer à la lettre les mesures barrières contre la propagation de COVID-19. Docteur Vénéra Niambikié, médecin provincial de Bururi, le dit au moment où cette province sanitaire fait face à une augmentation des cas positifs au COVID-19 avec des chiffres passés de moins de 20 cas à plus de 80 cas positifs en moins d'un mois. Les détails au sud du pays avec Jean-Pierre Misako. Les tests médicaux effectués depuis le début du mois d'août de cette année en province Bururi montrent que des cas positifs au COVID-19 sont passés à moins de 20 cas enregistrés avant à plus de 80 cas positifs selon Dr Vénéra Niambikié, médecin provincial de Bururi. Il s'agit selon lui d'un signe éloquent de l'existence et de la propagation dans cette province de la pandémie de COVID-19 au moment où la plupart des habitants de cette entité administrative se comportent comme si le coronavirus n'existait plus, se saluant en se serrant les mains, ne portant des masques que de peur d'être interpellé par la police de sécurité routière pour les passagers en transport commun, ou encore ne se souciant de se laver les mains, même si l'eau potable et le savon sont disponibles. À côté de ces mesures d'hygiène qui doivent être strictement observées afin de limiter la propagation de la pandémie de COVID-19, le médecin provincial met en garde toute personne testée positive au COVID-19 et qui est prise en charge à domicile, qui sera attrapée en train de circuler ou en pleine messe, qu'elle sera arrêtées, puis conduites dans le site du centre d'enseignement des métiers de Muzenga en commune Bururi pour y prendre des médicaments sous surveillance policière. Les centres urbains de Rutovu, Matana et Bururi sont les plus menacés, selon le médecin provincial de Bururi, qui informe du coup qu'il n'y a aucun problème de manque de réactifs dans cette province sanitaire. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci également Jean-Pierre Misago. Le phosphore est un élément essentiel pour la croissance des plantes et la formation des graines. Explication du docteur en chimie lors de sa recherche sur la gestion du phosphore dans le sol agronomique. Toutefois, Christophe Nyungeko déplore les inconvénients liés à l'utilisation excessive de cet élément chimique, dont l'érosion du sol. Les détails avec Vestine Outoy. Lors d'une recherche menée par le docteur en chimie sur la gestion du phosphore dans le sol agronomique, Christophe Nyungeko constate que cet élément chimique, utilisé comme fertilisant, est très important pour les plantes à différents niveaux, dont la formation des graines. Du point de vue agronomique, c'est un élément très essentiel pour la croissance des plantes, pour la formation des graines, pour le développement des fruits. Tous les végétaux ont besoin du phosphore en quantité appréciable, mais à des niveaux différents. Cependant, ce chercheur chimiste précise que l'utilisation abusive du phosphore entraîne la pollution de l'eau suite à l'érosion du sol. On a alors appliqué une quantité excessive et en fin de compte, on a trouvé que le phosphore s'est accumulé dans le sol et il y a alors eu un impact négatif pour l'environnement par l'érosion et les eaux ont été polluées pour ne pas le phosphore, parce que le phosphore aussi c'est un polluant à milieu aquatique. Quant au mélange de la fumure organique et du phosphore de façon équilibrée, Christophe Nyungeko explique que cela favorise la plante à tirer dans le sol ce dont elle a besoin pour sa croissance. La fumure organique contient de la matière organique qui a une grande affinité vis-à-vis des constituants minéraux du sol. Dans ce cas, la matière organique occupe les sites réactifs de plus grande énergie et le phosphore, dans ce cas, sera disponible à la plante. Le docteur en chimie recommande avant tout l'étude du sol pour identifier son degré d'acidité afin d'appliquer la quantité du phosphore relative à chaque sol selon le degré de son acidité. Merci à Vestine Boutoyi. Les habitants des collines Nombé et Rubaragaza en commune Boutézi et Kigamba et Nyarunazi en commune province Ruigi font face à un manque criant d'eau potable. L'autorité provinciale de cette province indique que dans le cadre du projet dénommé Eau potable, source de vie et du développement Ruigi de l'association Kassobou, plus de 4000 personnes vont bientôt bénéficier de cette eau potable. Tabou Emerancienne, gouverneur de la province Ruigi, conseille ceux qui construisent des adductions d'eau à faire des constructions solides pour qu'elles puissent durer longtemps. Et les femmes occupent moins de 25% de représentativité dans tous les domaines dans le monde. Un taux très bas selon l'analyse des rapports fournis au niveau mondial lors d'un atelier d'information dans le cadre de la campagne Génération Égalité ce jeudi. Adine Mounianeza, conseillère au département de la prévention des violences basées sur le genre au sein du ministère ayant la solidarité dans ses attributions, estime que le maintien des filles à l'école et l'alternance hommes-femmes sur les listes électorales peuvent accroître le taux de la représentativité. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais je rappelle les titres à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route. Le ministre ayant des infrastructures dans ses attributions annonce que bientôt les constructions dites anarchiques au bord du lac Tanganyika et sur les rivières traversant les chefs-lieux des provinces seront démolies. De Gracias Sanganyungami l'a dit hier lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Une information qui n'a pas été disponible à cette édition concerne la pénurie du carburant qui est observée à Bujumbura, la capitale économique, il y a une semaine. Ceux qui travaillent dans les stations-service disent être désœuvrés et demandent que ce problème de manque criant du carburant soit résolu. Et les personnes testées positives au Covid-19 ont passé de 20 à 80 en une période des mois. Dans la province de Burundi, le bureau provincial de la santé dans cette province du sud du pays indique que la propagation de cette pandémie est due au non-respect des mesures barrières. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Alphonse Kugimana pour sa parfaite collaboration technique. La présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.